Section 54 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième partie, chapitre 23. Interrogé par Georges, le docteur Bergeresse fit la réponse qu'il avait toujours faite à Charlotte. Son malade était guérissable, il comptait bien le guérir, seulement il fallait du temps. Combien ? C'était ce qu'il ne pouvait préciser. Il y avait déjà de l'amélioration, elle continuerait. C'était tout ce qu'on avait pu en obtenir. Restée seule avec lui, pendant que Charlotte allait voir Emmanuel, qui depuis quelques jours ne voulait plus sortir de son pavillon, dans lequel il est resté enfermé, les volets clos et la lumière constamment allumée, Georges n'avait pas été plus heureux. D'un côté, promesse de guérison, de l'autre, demande de temps. Quand ils étaient l'un et l'autre sortis du cabinet du docteur Bergeresse, il se faisait tard déjà et le soleil s'abaissait à l'horizon. En arrivant sur la route, grande avait été la surprise de Charlotte de ne point trouver à la place ordinaire la voiture qui les avait amenés de Versailles. Ils avaient interrogé une petite fille qui gardait une chèvre dans un fossé et l'enfant avait répondu que le cocher était reparti à Versailles. « Alors, nous n'avons qu'à aller à pied à Versailles, » avait dit Charlotte en se tournant vers Georges. Mais celui-ci n'avait point accepté cet itinéraire. Les 7 kilomètres à faire sur la route pavée n'étaient pas pour lui engageants, et puisqu'il devait marcher à pied, il aimait mieux gagner le chemin de fer en coupant à travers bois. Il connaissait un chemin raccourci par l'étang de Villebon qui les mènerait promptement et sûrement à Viroflay, ce serait une promenade. À ce mot de promenade, Charlotte avait tressailli, et Georges, remarquant son mouvement, qu'il avait compris, s'était hâté de se corriger. « Il est vrai, avait-il dit, que ce sera une promenade forcée, mais j'ai toujours eu pour système de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Puisque nous sommes dans un mauvais pas par la sottise de notre cocher, tirons-nous-en de notre mieux, n'est-ce pas là votre avis ?» Elle avait regardé le soleil, il ne ferait pas nuit avant 1 heure. Georges annonçait que le chemin par les bois était court et ne voulait pas paraître avoir peur, elle avait accepté. Il s'était donc engagé dans le bois, s'avançant côte à côte, dans un large chemin frayé. Pendant 10 ou 15 minutes, ils avaient marché sans échanger une seule parole. Georges, paraissant prendre plaisir à regarder autour de lui, Charlotte, au contraire, tenant ses yeux baissés sur le sable du chemin. Bientôt, ce chemin s'était rétréci et les ornières étaient devenues plus profondes. Évidemment, ils entraient dans une partie du bois plus déserte. Charlotte avait alors relevé la tête avec une certaine inquiétude pour voir où était le soleil, mais elle ne l'avait pas aperçu. Comme il s'était de plus en plus abaissé, il avait disparu derrière la cime des grands arbres, et l'on ne voyait plus au ciel qu'une lueur fauve, tandis que sous bois l'ombre emplissait confusément les taillis. Le silence s'était fait dans la forêt, et les oiseaux avaient cessé leur chant, la nuit allait bientôt les envelopper. Tandis que Georges marchait en avant, elle avait tiré sa montre. Il était 6 heures et quelques minutes. En cette saison d'automne, ce devait être le moment du coucher du soleil. Combien durerait le crépuscule et combien de chemin avaient-ils encore à faire? Elle allait donc se trouver seule au milieu des bois la nuit avec Georges? Mais elle avait chassé cette idée. Qu'importait, après tout? N'était-elle pas seule avec lui tous les soirs, depuis plusieurs mois? Cependant, elle n'avait pu s'empêcher de l'interroger bientôt. « Au moins connaissez-vous bien votre chemin ?» lui avait-elle dit, d'un ton qu'elle voulait rendre assuré. « Avez-vous peur ?»« Et de quoi ?»« Je veux dire, avez-vous peur que je vous égare ?»« J'avoue que j'aimerais assez avoir la certitude que nous sommes dans la bonne route. »« Je sais où je vous conduis, soyez sans crainte. Je n'ai pas pris ce chemin à la légère. » Elle crut remarquer qu'il avait prononcé cette réponse d'une façon étrange. Mais une fois encore, elle se fâcha contre elle-même. Pourquoi ces inquiétudes éternelles? Pourquoi ces soupçons? Pourquoi ces craintes? Ils avaient continué à marcher en silence, mais Georges, au lieu d'aller en avant, s'était rapproché d'elle, et de temps en temps, elle avait senti qu'il lui frôlait le bras. Il lui avait semblé aussi qu'il tournait les yeux souvent de son côté et qu'il les fixait longuement sur elle, au lieu de regarder autour de lui comme il l'avait toujours fait jusqu'à présent. Le chemin était devenu de plus en plus mauvais. À vrai dire, ce n'était plus qu'une cavée caillouteuse qui montait assez rapidement. La lueur jaune restée au ciel après le coucher du soleil s'était éteinte et la nuit était brusquement tombée. La nuit est venue bien vite, dit-elle. Dans quelques instants, nous aurons la lune pour nous éclairer. Vous connaissez donc les heures de la lune maintenant ? J'ai vu ce matin, en déchirant un feuillet de mon calendrier, que la pleine lune se lèverait aujourd'hui à 6h30 du soir. Sans trop savoir pourquoi, elle ne se laissa pas rassurer par cette réponse, en apparence bien simple et bien naturelle, cependant. Mais pour elle, qui connaissait Georges, il n'était point naturel qu'il eût souci de l'heure de la lune. Elle voulut affirmer son assurance, et précisément parce qu'elle se sentait troublée, montrer qu'elle était calme. « Alors allons moins vite, dit-elle, car ce chemin est un casse-cou. La lune nous aidera à nous en tirer. »« Si vous vouliez vous appuyer sur mon bras, dit-il, je vous remercie. » Mais elle avait à peine prononcé ces trois mots qu'un caillou qu'elle n'avait pas vu roula sous son pied. Elle glissa en arrière et sa tête s'inclina en avant. Georges, qui marchait tout près d'elle et qui avait avancé le bras au moment où il lui avait adressé sa proposition, la retint vivement. « Vous voyez, dit-il, en lui tenant le poignet doucement serré, que vous avez tort de ne pas vous appuyer sur moi. Je n'ai assurément pas plus d'adresse et plus de légèreté que vous, mais j'ai ce que vous n'avez pas, c'est-à-dire des yeux de chat, qui me permettent de voir dans la nuit ce que vous ne voyez pas. C'est bien assez de vous avoir amené dans ce mauvais chemin sans encore vous laisser tomber. Je n'abandonne pas votre main. » Disant cela, il lui passa le bras presque de force sous le sien. Sentant qu'elle ne se dégagerait pas par une résistance ouverte, elle abandonna son bras, mais sans s'appuyer. Après quelques secondes, il tourna à demi la tête vers elle. « Vous ne vous appuyez pas, dit-il. Il vous est donc pénible de vous retrouver aujourd'hui près de moi comme autrefois ?»« Ah, ne parlons pas d'autrefois, s'écria-t-elle vivement. » Disant cela, elle voulut dégager son bras, mais de sa main restée libre, il la saisit au poignet et la retint. « Je ne parlerai que de ce que vous voudrez, dit-il, de cette belle soirée d'automne qui semble faite à souhait pour nous. Ne sentez-vous pas comme moi son charme et sa douceur ?» Elle ne répondit pas, il continua. « L'automne est décidément notre saison. Combien de fois, pendant ce mois de septembre, nous sommes-nous ainsi promenés côte à côte au bord de la mer ? Mais alors, vous n'aviez pas peur de vous appuyer sur moi ? Je vous ai prié de ne pas rappeler un passé qui n'a que faire ici en ce moment. Je vous demande d'avoir égard à ma prière. » Et quand je ne rappellerai pas ce passé franchement et à haute voix, croyez-vous qu'en ce moment je pourrais m'empêcher d'y revenir tout bas ? Votre bras est contre ma poitrine, nous sommes seuls, la nuit nous enveloppe, l'air est doux, tout ramène mon esprit et mon cœur au temps où j'ai été heureux, au seul temps de ma vie où j'ai connu la joie. Cette saison d'automne, cette nuit sereine, ces étoiles qui nous regardent, les mêmes qui nous regardaient autrefois, tout jusqu'à ce bruissement de la brise dans les feuilles qui ressemble au murmure de la mer sur la grève de la crique. Pourquoi donc ne voulez-vous pas que je parle du passé, quand son parfum me trouble la tête et m'enivre ? Parce que ce n'est pas au passé que je pense, parce que ce n'est pas dans le passé qu'est mon esprit en ce moment. Et où donc est-il ? Elle étendit la main. Tout près d'ici, dit-elle, au-delà de ces arbres, auprès du malheureux qui souffre dans sa solitude. Vous voyez bien que nous ne pouvons pas parler ici du passé. N'en parlez pas. Je veux bien respecter votre silence. Mais de votre côté, laissez la parole de mon émotion, alors que je me retrouve dans des conditions qui évoquent ce passé. Vous oubliez toujours le présent. Ce présent que vous rappelez sans cesse, comme pour m'assassiner. Non, mais pour vous fermer la bouche. Ce présent n'empêchera pas le passé d'exister. Effacerez-vous mes souvenirs ? Ils avaient monté lentement la cavée, et ils étaient arrivés sur un plateau où le chemin reprenait large et facile, sans cailloux, couvert d'herbes et de mousses douces aux pieds. Profitant d'un mouvement que Georges avait fait, Charlotte dégagea enfin son bras. « Le chemin est maintenant facile, dit-elle. Je vous remercie. Nous pouvons marcher seuls. » « Ce n'est pas parce que vous pouvez marcher seul que vous me retirez votre bras. C'est pour me punir de ce que j'ai dit. » « Eh bien, quand cela serait ?» Ce serait alors une cruauté inutile. Vous pouvez me peiner, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Il est vrai que je ne peux pas fermer mes oreilles à vos paroles, mais au moins je peux leur fermer mon cœur. Ce n'est pas ce que nous entendons qui nous touche, c'est ce que nous sentons. Parlez, parlez tant que vous voudrez. Ils marchèrent encore pendant quelques minutes, et Georges garda le silence. Charlotte espérait qu'il avait renoncé à poursuivre cet entretien, lorsque tout à coup il s'approcha d'elle et la prit par la main. « Nous voici arrivés, dit-il. »« Arrivés ? reprit-elle avec surprise. Elle regarda autour d'elle. Ils étaient sur un plateau de la forêt. Au-dessous d'eux, de tous côtés, s'étendaient des bois qui se perdaient dans l'ombre. Ce plateau avait été mis en coupe à la saison précédente, et il ne restait debout que quelques baliveaux qui se dressaient avec des formes bizarres. Sur le sol, les cépés avaient commencé à pousser des jets feuillus qui se mêlaient confusément aux hautes herbes. Ça et là, des amas de bois et de bourrées formaient des grandes taches sombres. À l'endroit où ils s'étaient arrêtés, il y avait eu un atelier pour le travail des bois, et le sol était couvert d'une épaisse couche de ces copeaux qui se détachent de ces brins de châtaigniers qu'on prépare pour en faire des lattes ou des cercles. À ce moment même, la lune, qu'on apercevait depuis quelques instants comme un disque rouge à travers les branches, s'éleva au-dessus de la cime des plus hauts arbres. Autour d'eux, partout, des bois, les fonds dans l'ombre recouverts d'une légère vapeur, les coteaux éclairés par la lumière pâle de la lune, nulle trace d'habitation, dans les bois le sommeil, dans l'air le silence. « C'est ici que j'ai voulu vous amener, » dit Georges en lui serrant la main. « Et vous voyez que nous ne nous sommes pas égarés. » Fin de la section 54.